Dictateur en herbe, agitateur ou libérateur, ouvrez grand vos oreilles et suivez les guides. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui va nous enseigner, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comment faire d'un peuple une arme ou au contraire l'anéantir. À votre avis, quel est le lien entre les révoltes paysannes du XIVe siècle et les émeutes qui ont secoué le monde entre 2007 et 2008? Quel est le lien entre un certain Jacques Bonhomme et 30 pays à travers le monde? Qui unit les grands acteurs de la bourse et la noblesse du Moyen-Âge en dehors des costumes hors de prix et de l'absence de moralité? La réponse est à la fois si simple et si peu intuitive pour nous autres pays occidentaux dont la richesse n'a d'égal que notre aveuglement. C'est la faim. La faim qui, en 1343, mène les paysans à s'armer contre les voyageurs, la noblesse et les chevaliers. La faim, à nouveau, qui, en 2007 et en 2008, pousse les populations urbaines au Pérou, au Mexique, en Éthiopie, au Niger, en Mongolie ou en Indonésie à descendre dans les rues dans ce qui sera connu par la suite comme les émeutes de la faim. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes sur Campus FM et dans l'émission AgroJécoute. Nous sommes Lola, Mélissa et Marie de l'école d'ingénieurs de Purpan et nous allons parler des conséquences des famines dans l'histoire. L'agroécologie, on m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. AgroJécoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. AgroJécoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Lola. Bonjour Marie. Bonjour Mélissa. Hello, beautiful. Touchée par vos paroles. Vraiment, elles me vont droit au ventre. Arrête l'humour, Marie. Ouais, tu te fais du mal et c'est... C'est mauvais, Jack. Vous savez, j'ai un cœur. Un cœur qui bat sous cette peau. Un cœur qui ressent. Je croyais que tu avais un ventre, pour le coup. C'est toi, le ventre. Moi ? Je vais te faire frire avec des lardons et des petits oignons, tu vas voir. Ça me donne faim. Ventre toi-même. Vous savez qui d'autre a eu faim ? Marie, non. Plein de gens. Des gens qui en sont morts, d'ailleurs. Merci, Marie. Et des gens qui se sont révoltés contre leurs oppresseurs. Par exemple, dans l'Antiquité, en Chine, une famine se déclare vers l'an 17. Elle est aggravée par la corruption des fonctionnaires et des pouvoirs en place. Et l'empereur va avoir du mal à contenir les révoltés. Mais dis donc, Marie, ça tombe quand même très bien ce que tu me racontes. Parce que ça me fait penser que, justement, je connais une histoire de famine qui a mené à une petite révolte, pas piquée des hannetons. Il y a vraiment écrit ça dans ton texte? Ouais. C'est une transition absolument parfaite, Lola. Raconte-nous cette histoire, elle a l'air passionnante. Ok, on va commencer par s'intéresser à un sujet que nous connaissons tous. Tous ? Oui, tous. La Révolution française, ça vous parle ? Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, même si je pense que vous n'êtes pas très nombreux ici, je vais vous refaire l'histoire de la Révolution française en deux mots. En 1789, les récoltes sont mauvaises. Les boulangeries ferment les unes après les autres, et le peuple a faim. De son côté, le royaume a contracté d'importants emprunts qu'il est incapable de rembourser, et décide de taxer encore plus fort le tiers-état déjà affaibli. Le roi n'écoute d'abord pas la colère du peuple, puis finit par convoquer les états généraux. Et en français sans pain et trop taxé, on sait tous ce que ça donne. Des réunions autour des ronds-points ? Alors plus ou moins. Mais je vous rappelle que nous sommes en 1789. Et le gilet jaune n'existe pas encore ! Et la suite, on la connaît tous. Le 14 juillet, le peuple se révolte, prend la prison de la Bastille, y récupère une quantité importante d'armes et mène la révolution. Oui, et cela met fin au système de monarchie absolue en France. Mais, si on recentrait le sujet sur ce qui nous intéresse tous, l'agriculture. Pourquoi donc les récoltes sont si mauvaises et causent une véritable famine au sein de la population française ? Quel a été le rôle de la famine dans le déclenchement de la Révolution ? Alors, pour y répondre, on va faire un bond dans le temps et partir en 1783. Nous allons voyager un peu. Nous sommes en Islande. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre le lien très vite. Le 8 juin, un volcan situé dans les hautes terres, le Laki, entre en éruption. Des coulées impressionnantes de lave s'ensuivent et recouvrent jusqu'à 565 km² de terre. Pour vous situer, c'est 5 fois et demi la superficie de Paris. Un stade de foot, ça fait combien ? Ça donne environ 70 stades de France. Mais le pire, ce n'est étonnamment pas la lave. Ce sont les gaz qui s'échappent du volcan. Imaginez un peu, ils forment des nuages extrêmement épais, très concentrés en soufre et en fluor. Une espèce de smog très dense et inquiétant recouvre tout le territoire de l'île. Ça a dû être vraiment impressionnant, je n'aurais pas aimé le vivre. Moi non plus. Surtout que ça a fini par décimer près du quart de la population islandaise. Je vous laisse écouter un extrait d'un documentaire Arte qui résume bien les conséquences qu'a eu l'éruption de ce volcan en Europe et en quoi ça nous intéresse. Les conséquences des volcans du Laki se sont envolées pour traverser les mers et les continents. Les gaz et les cendres ont envahi l'atmosphère jusqu'en Europe et au-delà. Des brouillards acides ont gagné la Norvège, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, tuant indirectement des dizaines de milliers de personnes. L'énergie du soleil ne pouvait plus passer à travers ce filtre volcanique. Les saisons se sont déréglées pendant des années. En France, une succession d'événements météorologiques a affamé les paysans. Aux étés trop doux se succédaient des hivers trop rigoureux. Le gel pouvait durer des semaines. Des orages trop violents massacraient les récoltes à force de grêlons. Nous sommes en 1789 et le peuple français meurt de faim. En partie à cause d'un volcan islandais. Alors, est-ce que maintenant vous comprenez mieux où je veux en venir ? Ah oui, c'est limpide. Les conséquences de l'éruption sur l'agriculture sont terribles. Elle fragilise un système agricole français déjà affaibli. La population française augmente, alors que les rendements stagnent, voire diminuent. Il y a sûrement de nombreuses origines qui peuvent expliquer ce dernier phénomène, mais on peut mettre en cause qu'à l'époque, on ne jurait que par les céréales. Il fallait à tout prix éteindre cette culture, quitte à réduire les surfaces de prairies pour ne les consacrer qu'à la culture de grains. Les courtes durées des baux ruraux poussent à l'abandon de l'élevage de bétail, qui prend trop de temps à grandir, pour y implanter toujours plus de céréales. Cela aura pour conséquence, vous vous en doutez, un fort affaiblissement de la fertilité des sols. Même les techniques de culture ne conviennent pas. Les grains sont conservés dans des conditions insalubres ou sont semés trop serrés. Du fait de l'essor de cette monoculture et des mauvaises pratiques qui y sont associées, le système agricole se retrouve dans un état précaire, plus fragile, qui va être touché de plein fouet par les fameux nuages toxiques islandais. Le peuple n'a plus assez de récoltes pour manger à sa faim et pour replanter suffisamment de graines pour assurer la récolte de l'année suivante. Les conditions se dégradent, la disette s'installe, la misère s'accentue petit à petit, jusqu'au 14 juillet 1789, où tout éclate. Wow ! Tout ça à cause d'un volcan à plus de 2000 km de la France ? Alors oui, mais attention, dans une certaine mesure uniquement. Comme je viens de vous l'expliquer, le système agricole était déjà en train de se dégrader tout seul. L'éruption du volcan, la pénurie alimentaire qui s'ensuit, ne sont certainement pas les seules causes qui ont poussé le peuple à se révolter et à provoquer la Révolution française. Mais il est certain qu'ils y ont joué un rôle, au moins de catalyseur. D'ailleurs, vous apprendrez que le Laki, le fameux volcan, a gagné un petit surnom et est depuis appelé le volcan de la Révolution. On est connu pas même par delà les mers. En parlant du delà des mers, une autre famine a eu lieu dans l'histoire récente. Au XIXe siècle, plus précisément à l'ère victorienne. Entre les belles robes de flanelle et les larges chapeaux à plumes, une tragédie s'est jouée, changeant drastiquement la face d'un pays entier. Mais avant, nous vous proposons une pause musicale, rockstar du Moyen-Âge, de Francis Cabrel, qui rend hommage à l'Occitan. y'a pas de langue ancienne, c'est la même toujours, pour dire les mêmes peines, jurer les mêmes amours. C'est écrit dans vos pages, mieux et bien avant nous, Rockstar del Medio d'Age, senda balem de vous. C'est un trait de plume, c'est le pas des chevaux, c'est chanter à vos dames tout ce qu'il y a de plus beau, leurs âmes et leurs visages, loin au-dessus de tout, Rockstar del Medio d'Age, senda balem de vous. La fille à la fenêtre qui chante les yeux clos cherche à se reconnaître dans chacun de vos mots. Ça vaut bien davantage que le plus lourd bijou, Rockstar del Medio d'Age, senda balem de vous. Avec pour seule armure la peau d'un tambourin, sous la hauteur des murs, sous le balcon éteint, où la belle est en cage et son amant jaloux, Rockstar del Medio d'Age, senda balem de vous. La fille à son fenestro canta l'usel sbarazz et dins cado canso, espero se trova a cobal forso mai qu'un poli joyeux, Rockstar du Moyen-Âge, nous descendons de vous. Geoffrey Rudel, Guillaume, Bernard de Ventadour, Peyre et Bertrand de Borne, sans autre troubadour, on veille à l'héritage, un guitare autour du cou, Rockstar del Medio d'Age, senda balem de vous. Nous venons d'écouter Francis Cabrel dans Rockstar du Moyen-Âge. Nous sommes toujours Mélissa, Lola et Marie dans l'émission Agro J'écoute. Nous parlons des grandes famines et de leurs conséquences dans l'histoire, et Mélissa, la piste est à toi. Merci Marie. Je vous invite à présent à prendre une boisson chaude, une salade de pommes de terre et un fruit pour parler de la grande famine irlandaise. C'est une des dernières grandes famines en Europe, et heureusement, parce qu'elle a fait 1 million de morts et 1 million d'exilés, en 6 ans, entre 1845 et 1851. Sa spécificité, c'est qu'elle a eu lieu en pleine période de progrès de l'agriculture et de l'industrie, et dans l'état le plus riche du monde de l'époque, le Royaume-Uni. Oui, parce que l'Irlande était sous domination britannique depuis l'acte d'union en 1801. Les deux îles étaient, et sont toujours, l'une à côté de l'autre. Leurs différences culturelles ne sautent pas directement aux yeux pour nous, Français du XXIe siècle. Mais à l'époque, la langue et la religion ne sont pas les mêmes. Et ça, croyez-moi, ce sont de bons motifs de désaccord. On parle gaélique irlandais en Irlande, et on est globalement chrétien catholique. En Angleterre, on parle anglais. Et on est plutôt anglican. Mais on ne juge pas. Notre émission prône l'ouverture d'esprit et la tolérance. Tout à fait, Marie. Donc pour réussir à avoir une famine dans l'état le plus riche du monde, il faut un bon alignement de circonstances, si j'ose dire une bonne recette. Première étape, pour commencer, en parlant d'agriculture. Confiez les terres à quelques grands propriétaires fonciers. L'astuce de la maison. Choisissez des descendants de colons anglais et écossais de préférence. Vous aurez certainement tout plein de niveaux de sous-location de terres. L'égalité est un mauvais terreau pour des famines et ce petit jeu de mots de médiocre qualité vous est offert. Tout en bas de l'échelle, on a 3 millions d'ouvriers agricoles qui ne touchent qu'un tout petit salaire journalier et qui n'ont pas de terre et qui représentent un tiers de la population et ce sont les plus vulnérables. Spoiler alert numéro 1 et ils vont avoir faim. Et oui Lola, on compte déjà 16 disettes entre 1800 et 1845. On ne mange pas vraiment à sa faim pendant une disette, ce qui est peut-être un signe annonciateur de la famine qui arrive. Des workhouses, c'est-à-dire des camps de travail, sont mis en place par l'État central pour porter assistance aux pauvres. Spoiler alert numéro 2, beaucoup de gens vont y mourir de tout un tas de maladies, à cause de conditions sanitaires améliorables. Oui, pimenter cela de tensions politiques, puisque l'Irlande est toujours sous domination anglaise. En parlant de dépendance, cela nous amène à la deuxième étape. Faites en sorte de ne dépendre que d'un seul aliment pour nourrir votre population. C'est une base pour une agriculture durable. Non. Ah, mince, même pas. Pourtant, la pomme de terre est idéale. Face simple à cultiver sur les sols irlandais, elle se conserve longtemps et a de bons rendements. Et figurez-vous qu'en 1845, 10% de la surface de l'Irlande sont recouverts de patates, c'est-à-dire le matin, midi, le soir, patates. Attends, Mélissa, tu vas nous dire qu'à l'époque, les Irlandais avaient la patate ? Même pas, ce serait mal me connaître. D'ailleurs, je suis un peu mauvaise langue parce qu'à l'époque, on cultive aussi des céréales en Irlande. Mais elles servent à payer le loyer des terres. Et elles partent majoritairement en Angleterre. Troisième étape, cruciale. Favoriser une crise économique à base de libre-échange et de marché ouvert. Pour comprendre comment, revenons quelques années en arrière, pendant les guerres napoléoniennes. Napoléon Bonaparte veut embêter les Anglais en les isolant du continent et en faisant en sorte qu'ils ne puissent plus importer quoi que ce soit, à commencer par la nourriture. L'Angleterre se tourne donc naturellement vers l'Irlande. Des terres y sont défrichées pour cultiver plus de céréales. Et là, vous êtes déjà en train de trouver que je m'éparpille parce qu'on a des kilomètres d'une des plus grandes famines d'Europe, non ? Oh non, non, pas vraiment, une centaine de mètres, tout au plus. Oui, t'as raison Marie, parce qu'en 1815, ce qui s'appelle le blocus continental est débloqué, sans mauvais jeu de mots. Au début du 19e siècle, on est en plein essor de quelque chose qui nous est un peu familier aujourd'hui, le libre-échange. Le marché irlandais est progressivement ouvert à la concurrence. Par conséquent, les prix des céréales, et notamment du blé pour faire du pain, s'émiettent, toujours sans mauvais jeu de mots. Si. Pardon. Les Irlandais ne sont plus compétitifs par rapport aux Anglais. Les industries sont aussi en souffrance, on pense à elles également. Gros big up. Quatrième étape de la recette pour avoir une famine dans un pays riche. Une explosion démographique. Et ce, malgré des migrations qui ont déjà commencé. On passe de 5 millions d'habitants en 1800 à 8,5 millions en 1840. Mais cherchez une métaphore pour imager. Dis juste que 8,5 millions, ce n'est pas très loin du double. D'ailleurs, le saviez-vous ? Cela correspond à peu près à la population actuelle de la Suisse. Écoutons maintenant Nota Bene, créateur de contenu sur YouTube, nous faire un résumé de la situation. Au milieu du 19e siècle, le pays cumule donc plusieurs difficultés. Une démographie galopante et un fort ralentissement économique, une pauvreté profondément enracinée, des disettes récurrentes dues à la dépendance à un seul aliment de base, et enfin une tentation indépendantiste qui alerte le pouvoir central. Voilà. Nota Bene résume mieux que moi, merci à lui. Maintenant, mettez ce plat, un rien explosif au four, et laissez mijoter. Phytophthora infestans. Marie, regarde-moi dans les yeux. Ça va ? Très bien, merci. Phytophthora infestans, c'est le nom d'un champignon, tout à fait charmant, amateur de tubercules et d'humidité, qu'on connaît mieux sous le nom de mildiou. Émile Dieu est par le diable, il va mettre le feu aux poudres, celui-là. C'est le début de la fin. Oui, littéralement. Le mildiou est certainement venu des États-Unis pour se familiariser avec la culture européenne, en particulier avec celle des pommes de terre. Il a fait de sérieux dégâts en Irlande parce que les conditions humides étaient propices à sa propagation. En 1845, 40% des récoltes irlandaises sont perdues à cause d'une mildiou et d'une météo calamiteuse. Les plantations ont été anéanties pendant 5 années consécutives. La question de la responsabilité du gouvernement anglais est d'ailleurs toujours épineuse aujourd'hui. Mais on peut dire que sa gestion de la crise est à l'image de la météo irlandaise. C'est vrai. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que la famine est provoquée par un mélange de facteurs naturels, comme la météo, et humains, comme des choix politiques et économiques, ou des guerres, à tout hasard. En fait, les économistes anglais veulent profiter de la famine pour réorganiser le système de propriété de la terre, avec tous ces niveaux de locataires et sous-locataires dont on parlait avant. En fait, ils trouvent qu'avoir autant d'intermédiaires, c'est un frein au libre marché. Donc on veut avoir des exploitations plus grandes, où on peut notamment pratiquer l'élevage, parce que c'est plus rentable à l'époque. Donc vous avez compris qu'on est vraiment à l'époque de l'émergence de ces idéologies. Et en parlant d'idéologie, on est aussi à l'époque où on commence à mécaniser et industrialiser l'agriculture. En fait, la crise est vue par les Anglais comme la conséquence d'un manque de rationalité des Irlandais et un châtiment divin mérité. Finalement, de l'aide arrive, mais elle est accompagnée d'une obsession de ne surtout pas trop dépenser. Tout à fait, Lola. Et je voulais aussi évoquer la manière dont les politiques agricoles mises en place ont parfois l'effet inverse de ce qui était recherché. Parce qu'au bout d'un moment, les Irlandais n'ont plus d'argent pour acheter de la nourriture. Donc il faut qu'ils la méritent. Oui, parce que la faim, c'est pas une raison pour devenir des assistés, hein, selon le gouvernement londonien. coup, des chantiers publics sont mis en place. Le petit hic, c'est que tout le monde y va, puisqu'il n'y a rien à manger. Et donc, les terres agricoles sont en partie abandonnées. Et ne pas produire de nourriture en période de famine, vous conviendrez que c'est dommage. Une autre décision politique qui a eu l'effet inverse de ce qui était recherché, c'était la Poor Law. Et à la base, elle visait à aider les personnes pauvres, comme son nom l'indique. Seulement, à cause de durcissements et de mauvais traitements infligés à ses bénéficiaires, elle s'est avérée plus douloureuse qu'aidante. Bon, Mélissa, je te propose de passer cette pauvre loi sous silence. Ouais, d'accord, oui, on va faire ça, hein, c'est ouais, mieux. Ouais, c'est bien. Ouais. Toujours est-il que les gens ont renoncé aux aides alimentaires, par peur de perdre leurs terres, ce qu'on peut comprendre. En bilan, entre 1846 et 1851, on compte 1 million de morts et autant d'exilés. En 6 ans, un quart de la population a disparu. Proportionnellement, c'est comme si on prenait 16 millions d'habitants sur 66 en France. C'est-à-dire qu'on prend une carte, et on raye l'Île-de-France, et on raye la Bretagne. Plus personne, vide, sans compter tous les gens qui sont morts les années d'après. Donc on va à présent laisser Nota Bene, qui est toujours créateur de contenu sur YouTube, depuis tout à l'heure c'est pareil, il va nous dresser un bilan de la situation. Aujourd'hui, on estime que plus de 10% des habitants des États-Unis ont des origines irlandaises. Autre conséquence de la Grande Famine, l'accélération du déclin de la langue irlandaise gaélique. Et oui, parce que cette langue, elle est surtout parlée dans les régions du sud et de l'ouest, les plus pauvres, hein, et donc celles qui ont compté le plus de morts et d'émigrés. La dernière conséquence de cette famine, c'est une conséquence qui est un peu moins visible. Un déficit de mémoire, un manque de récit collectif de cette tragédie. Et ce manque, en fait, il est en partie dû à l'exil des populations concernées et à l'absence de reconnaissance de cette catastrophe par l'État. La Grande Famine, elle est en fait revenue sur le devant de la scène qu'avec son 150e anniversaire en 1895. Et à cette occasion, il y a eu de nombreux travaux d'historiens qui se sont penchés sur la question et qui ont renouvelé ce débat, en particulier autour de la question de la responsabilité anglaise à l'époque. Mais pourquoi on a oublié pendant toutes ces générations ? Eh bien, peut-être parce que les gens étaient tellement choqués qu'ils n'ont même pas réalisé et qu'ils pouvaient pas réalisé, hein, tout simplement. Un genre de syndrome post-traumatique à l'échelle d'un peuple, quoi. Peut-être que ce phénomène pourrait avoir été accentué par la dépossession des paysans de leurs terres, auxquels les souvenirs familiaux étaient attachés, hein, forcément. Et en y ajoutant l'exil d'un million d'habitants, on comprend pourquoi une mémoire orale de la Grande Famine, elle a finalement eu beaucoup de mal à se constituer. Tony Blair, premier ministre du Royaume-Uni en 1997, a reconnu officiellement que le gouvernement du Royaume-Uni au 19e siècle n'a pas fait le nécessaire pour endiguer ce qu'il a appelé une terrible tragédie humaine. La gestion de la crise par le gouvernement de l'époque reste toujours polémique et les nombreuses tensions entre le Royaume-Uni et la République d'Irlande ont été ravivées par le souvenir de la Grande Famine. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'en pourcentage de la population tuée, environ 12%, la Grande Famine irlandaise est de loin la plus meurtrière de l'époque contemporaine. Même si des famines en Chine et en Inde ont fait, en quantité absolue, bien plus de victimes. Et il faut ajouter à ça que la famine irlandaise n'est pas survenue dans un contexte guerrier, ce qui est généralement le cas, et que l'île était une province centrale du plus grand et du plus riche empire du monde à cette époque. Mais surtout, on retient que les catastrophes ne sont pas uniquement causées par les éléments naturels. Ce sont bien davantage les conséquences de mauvais choix, qu'ils soient dus à des idéologies verrouillées et des préjugés comme dans le cas irlandais, ou plus généralement au manque de protection des populations vulnérables. Depuis 2008, en Irlande, un jour de souvenir a été institué. C'est le National Famine Commemoration Day. Il entend rappeler que les catastrophes sont évitables, à condition de le vouloir. Ah, fuyant leur pays, 1 million d'Irlandais se sont répandus dans le Commonwealth. Sans eux, la Saint-Patrick ne serait probablement qu'un jour normal de plus, sans prétexte de beuverie. Merci, grande famille, de nous avoir offert le Leprechaun et une occasion de plus de faire couler la bière. Sans parler des tensions entre Irlandais et Anglais, encore présentes aujourd'hui et dont la famine n'est que l'une des causes. Ou de la structure économique de l'île, surtout sur son littoral. Car, le saviez-vous, les Irlandais n'avaient pas le droit de pêcher en mer. Ils se sont donc rabattus sur la production de coquillages, notamment sur les huîtres, pendant la Grande Famine. Les conséquences sont très variées en fait. Très. Donner à manger aux gens, ça les arrange. Et c'est tout de même plus pratique pour les garder satisfaits et calmes. La Révolution a fait avancer le régime politique. La Grande Famine a surtout tué des millions de gens et changé la face d'un pays. En effet, deux exemples de famine assez proches, deux conséquences drastiquement opposés. Ouais, deux causes différentes aussi, mais deux conséquences profondes tout de même. Entre l'Irlande, sa diaspora et la perte de son patrimoine culturel, et la Révolution française, on peut être certain que ces famines ont participé à de grands bouleversements. Ce n'en sont pas les seules causes. C'est vrai. Et en Irlande, le pays le plus riche et puissant du monde, on aurait pu protéger le peuple ou prendre des décisions censées efficaces, si les gouvernements avaient voulu. En France, cette révolution arrive après les Lumières et la montée en puissance de la classe bourgeoise, qui cherche à obtenir une part du pouvoir. Prétexte, explosif ou détonateur, les deux famines auront laissé des traces dans l'histoire. Que ce soit dans les esprits, encore vibrantes de douleur, ou dans les arts, en peinture, en musique ou dans le cinéma. N'oublions pas que si le pain et les jeux permettent de tenir une foule docile, oublier le pain peut la transformer en rat de marée ou la faire disparaître. Aujourd'hui encore, nous faisons face à de nombreuses famines sur tous les continents. En cause, une mauvaise gestion agricole, comme la spécialisation intensive ou la production de denrées non adaptées au milieu, une inégale répartition des richesses ou le changement climatique et ses effets imprévisibles mais souvent violents. Un exemple frappant et actuel est celui de l'Afghanistan, où les familles n'ont plus l'argent nécessaire pour acheter le blé, la farine ou le pain à cause des prix exorbitants des céréales cette année. Or, le pays s'étant spécialisé dans la production de pavots, il n'a plus de souveraineté alimentaire. Cependant, nous n'avons aucun recul sur l'évolution de cette famine, et encore moins sur ses conséquences à long terme. Et justement, cette famine, elle a lieu actuellement, tout comme des centaines d'autres dont nous n'avons même pas aidé. Si nous n'avons pas le recul nécessaire pour évaluer leurs conséquences, c'est qu'il est encore temps d'agir. Alors, dictateur en herbe, agitateur ou libérateur, champignon ou volcan, choisissez vos armes. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous les partenaires qui ont contribué à la mise en place de ce podcast. En particulier, Campus FM, l'école d'ingénieurs en agronomie de Purpan et l'Université fédérale de Toulouse. Cette expérience a été très enrichissante pour nous. Nous avons pris beaucoup de plaisir à réaliser ce podcast et nous espérons que nos auditeurs le ressentiront. La piste est vôtre à présent et nous rendons l'antenne à Campus FM.